Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par l'association Les Mondes de l'Utopie. Au programme d'aujourd'hui, nous reviendrons brièvement sur les événements de l'année 2020, et pour la deuxième partie de l'émission, au travers d'un thème spécial, nous découvrirons ou redécouvrirons avec vous la puissance de la voix féminine. Au fil de nos découvertes et de nos coups de cœur, nous explorerons les couleurs de ces tonalités, peut-être même jusqu'à ses extrêmes. Et pour m'accompagner aujourd'hui tout au long de cette émission, Flo et Camille. Salut. On va commencer par les événements de l'année 2020, Camille, avec toi. Et oui, parce qu'il y en a eu quand même, mine de rien. Je me suis dit, on va peut-être un peu en causer. Ça a noté, voilà, ouais. Alors, non, c'est Flo qui va commencer peut-être avec Concerts d'hiver, puisqu'on fait chronologiquement. Oui, donc moi je vais revenir sur Concerts d'hiver qui a eu lieu en février. Donc c'était notre premier événement de l'année et c'était, il me semble, le dernier avant le premier confinement. Donc on a eu la chance d'accueillir un groupe vosgien qui s'appelle La Petite Huguette, que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir ailleurs quand les activités culturelles reprendront, qui était suivi d'une fanfare qui nous venait de Grenoble. C'était assez impressionnant et chouette. Ils ont enflammé le parquet de la salle des fêtes. Ils étaient nombreux sur scène. Hein. Et on a fini la soirée avec l'ex-groupe d'Eyosan qui s'appelle aujourd'hui Liwal, qui propose une trance instrumentale hyper chouette avec des envolées de clarinettes assez intéressantes. Donc voilà, c'était un succès cette soirée. La salle était pratiquement remplie. Et c'était positif dans tous les sens, humainement, financièrement et tout ça. Donc, on aurait su que c'était la dernière avant le confinement, on aurait encore plus profité, mais oui, c'était vraiment une superbe soirée. Donc voilà pour le premier événement de l'année. Je vais te laisser, Camille, enchaîner sur les guinguettes de l'été. Oui, alors entre deux, on a dû annuler deux événements. Donc il y avait en principe un repas-concert au mois d'avril, et Cultivons nos passions fin mai. Donc ces deux événements ont dû être annulés. Par contre, du coup, on avait déjà décidé d'organiser une guinguette ou deux dans l'été. Et au vu du fait qu'on ait dû annuler des événements, on en a fait trois. Donc on en a fait trois sur l'intervalle d'un mois, ce qui est quand même assez chargé. Mais bon, on a eu quand même du monde tout le temps. Et la première, donc c'était le 24 juillet. On avait organisé un marché de producteurs locaux, d'artisans, d'associations. Donc il y avait pas mal de choses à faire en fin d'après-midi. Ça commençait à 16h. On avait une assiette barbecue. Donc comme d'habitude, on fait les repas nous-mêmes avec des produits au maximum de saison et au maximum locaux ou bio. Et puis donc on avait pour nos oreilles, Muriel d'ailleurs qui était là pour chanter et qui est là aussi aujourd'hui pour nous assister à la radio. Et donc ouais, c'était vraiment une super une soirée. C'était le début des guinguettes d'été et il y a eu énormément de monde ce soir-là, si mes souvenirs sont bons. Donc bon, bien sûr, il y avait toutes les mesures sanitaires et tout ça, mais voilà, c'était vraiment une réussite cette première guinguette. Après, donc la deuxième qu'on a organisée, c'était au mois d'août, donc c'était le 7 et 8, donc il y avait deux jours. Et donc l'idée, c'était de proposer des ateliers sur les deux jours avec donc une troupe qui venait de se former qui s'appelait les Baladins Baladines, qui est une troupe de jeunes qui se trimballaient en vélo là et puis qui faisaient des représentations au fur et à mesure de leur traversée. Et donc on a eu le vendredi du yoga, de la percu corporelle, de la danse du clown à prix libre. Bon, malheureusement il n'y a pas eu énormément d'inscriptions. Il y a eu un peu de monde quand même, mais... Oui, moi, j'y ai participé. Les ateliers étaient plutôt sympas et bien conviviaux. Ok. Bon, bah, et c'était pas plus mal qu'on soit pas beaucoup. D'un sens comme ça, l'animateur pouvait plus se pencher sur nous. Ouais. Voilà, pour bien travailler. Bon, c'était parfait, alors. Et donc, le soir, on a eu le concert de La Pêche. Donc, pareil, hein, assez de barbecue à chaque fois. Le concert de La Pêche, ils portent bien leur nom, hein, parce que, du coup, il y a eu énormément de monde qui était là. Et on a vraiment bien dansé. Bon... danser à un mètre les uns des autres. Et du coup, c'était vraiment une très très bonne soirée. Donc eux, ils proposent la musique festive balkanique. Et ouais, c'était pareil, ils étaient combien ? 7 ou 8, non ? 5. Ok, d'accord. Bon. Ils étaient bien plus nombreux dans mon souvenir, mais en tout cas, voilà, c'était une très bonne soirée. Et le lendemain, il y avait cabaret auberge espagnole, donc organisé par les baladins. Et c'était vrai, bon, il y avait un petit peu moins de monde que le vendredi, mais le cabaret était vraiment sympa. J'ai été un peu comment dire. Je m'y attendais pas. Voilà, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien que ça l'a été, en fait. Agréablement surprise. C'est ça que je c'était cherchais. Super agréable et très rigolo. Et du coup, donc là, voilà, ça a fini cette deuxième guinguette là. Et donc la troisième et dernière, ah bah j'ai pas noté la date, mais c'était le week-end juste après, donc c'était le 14 août. Donc ça a été des vendredis soirs à chaque fois. Et donc là, c'est pareil, on avait repris le principe de la première, donc avec le marché de producteurs, d'artisans, d'associations, le repas et le concert, c'était KPG. Donc c'était un groupe d'Épinal, un frère et une sœur. Et donc c'est de la chanson plutôt folk, voilà, assez calme. Et c'était pas plus mal pour terminer ces trois guinguettes de folie un peu, parce que niveau organisation c'était un peu lourd, mais en tout cas on regrette pas de les avoir fait, parce qu'on avait mis un petit peu d'animation quand même dans le village cet été avant qu'il n'y ait plus rien. Voilà. J'ai fini pour mes petites guinguettes. Eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission avec notre thème spécial voix féminine. Donc, on va commencer par moi-même. Et je vous emmène pour démarrer en Bulgarie avec une chorale fondée en 1952, Le Mystère des Voix Bulgares. Composée d'une vingtaine de femmes, cette chorale polyphonique reprend la tradition du chant féminin bulgare. Les chanteuses sont sélectionnées à travers le pays pour la clarté de leur voix. À savoir que dans l'ancienne Bulgarie, les jeunes filles chantent beaucoup jusqu'à leur mariage. Elles chantent pour les différentes étapes de vie, les récoltes, les moissons, les mariages, les travaux en commun et toutes les autres étapes. Après, elles chantent plus. Et toutes les autres étapes de la vie. Et pendant le mariage, la mariée est entourée de ses amis qui vont chanter pour les différentes étapes de ce rituel. On notera que pour l'animation musicale, il y aura un soliste homme instrumentiste qui n'accompagne pas les chœurs des femmes et qui, lui, est rémunéré. Et il faut savoir que, elles, les femmes, elles chantent pour le plaisir. Enfin, en gros, il y a un bonhomme qui joue d'un instrument de musique qui est payé. D'accord. Et puis, elles, les femmes, elles chantent pour le plaisir. Voilà. Pour la postérité, quoi. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, pour vous faire découvrir cette magnifique chorale polyphonique, nous allons commencer par un titre d'Anyava Mama. C'est parti. Thank you. Et voici un deuxième morceau des mystères des voix bulgares, Karal Zviri. C'est parti! C'était la chorale Le Mystère des Voix Bulgares. Je vais vous emmener maintenant en Tziganie avec la reine de la musique tzigane, Esma Redzepova. Redzepova, c'est très bien comme ça. Donc cette chanteuse rome, née en Macédoine à la fin des années 40, à la voix puissante et chargée d'émotions, a bercé ses 47 enfants adoptifs. Elle en a élevé 5, mais elle en a adopté du coup 42, à qui elle a donné... Une éducation et tout ce dont ils avaient besoin pour les sortir de la misère. C'est une très grande femme. Son style est directement inspiré par la musique rome des Balkans et la musique traditionnelle macédonienne. Elle a été une des premières artistes à chanter en langue romani à la radio et à la télé. À savoir que dans les années 50 en Yougoslavie, la musique rome n'est pas considérée comme convenable pour passer à la radio ou à la télé, et encore moins quand on est une femme. Et c'est grâce à son mari, qui était aussi son impresario, en fait, qu'elle a pu autant décoller que ça. Et en fait, lui, son mari, s'est vraiment heurté aux médias de l'époque pour la musique romanie, pour que la musique romanie soit reconnue. Et en fait, c'est grâce à Esma et son talent que ça a pu être fait. Voilà. Selon la National Public Radio américaine, Esma a laissé une marque dans l'histoire de la musique. C'était aussi une femme engagée. Ses efforts humanitaires ont été récompensés à différentes reprises. Elle est connue pour ses engagements en faveur du pacifisme, des droits des minorités et des femmes. Pour finir, Esma Redzepova, ses 580 chansons, 22 000 concerts et 23 albums. Voilà, c'est la reine de la musique tzigane. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Donc, je vais vous la faire découvrir, accompagnée des musiciens de Bratch, groupe de musique du monde, groupe fabulé de musique du monde, dans la chanson Zelem Zelem. C'est parti. Deuxième c'est titre beau. D'Esma, Carrié, chou Carrié, c'est parti. Shukriya, ma kiru. Ça vous a plu, les amis ? Oui, carrément. Et vous connaissiez ? Vous connaissiez ? Bah alors moi, Esma Redzepova. Le nom me disait pas grand-chose, mais en fait, c'est vrai que toutes ces musiques-là, c'est les musiques trad qu'on a déjà entendues et réentendues, mais j'aurais pas mis ce nom là-dessus, quoi. Oui, ben moi, je connais un peu. Enfin, j'ai déjà écouté pas mal de ces titres. Je trouve ça assez passionnant. Et la voix, enfin, c'est quand même une référence dans les musiques traditionnelles des pays de l'Est. Du coup, voilà. Esma Redzepova. Et comme je l'ai dit, ça a été une des premières artistes à passer à la radio et à la télé en chantant en langue romanie. C'est quand même important. C'est important. Et ben, maintenant, on va déménager au Pérou et je vais vous présenter Ima Sumac, une diva capricieuse pour certains, une icône intouchable pour d'autres, descendante reconnue du dernier empereur inca Atahualpa. Cette chanteuse est un phénomène vocal avec pratiquement 5 octaves d'amplitude. À savoir que l'humain de base en a 1 à 1,5. Voilà, c'est à peu près la moyenne. Elle, elle en a pratiquement 5. Déjà, ça, je pense que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et les disques de cette chanteuse se sont vendus à des millions d'exemplaires depuis le début des années 50.

C'était Ima Sumac, le phénomène vocal aux pratiquement 5 octaves. C'est vraiment très impressionnant. Hein. Ouais, c'est pour ça, je voulais vraiment vous la faire découvrir si vous ne la connaissiez pas, parce que là, il faut quand même au moins l'entendre une fois dans sa vie. Et maintenant, on va revenir en Belgique et en Angleterre avec une jeune artiste, Léonie Evans, multi-instrumentiste de 27 ans. Cette jeune femme aime beaucoup le jazz de la Nouvelle-Orléans, le blues et le folk. C'est parti avec une seule chanson et après je passerai la main à Flo avec Time. There are times, there are times when the world starts folding in, and there are Alors, il paraît que c'est à mon tour. Alors, je vais commencer la petite chronique en vous présentant une virtuose du violoncelle. Donc, je vais vous parler de Dom Lanena, chanteuse compositrice d'origine brésilienne, qui a commencé la musique très jeune, à l'âge de 5 ans, entre la France et l'Amérique du Sud. À 18 ans, elle tourne déjà avec des grands noms comme Jane Birkin, Jeanne Moreau, Étienne Dao, Camille ou encore Sophie Ingers, qui va la propulser direct au plus haut niveau. Elle sort son premier album solo Et là, en 2013, juste après la grande tournée qu'elle a fait avec Jeanne Birkin. Puis en 2014, elle crée le duo Birds on the Wire avec la mythique chanteuse du groupe Moriarty, Rosemary Stanley. J'ai eu la chance de les découvrir il y a 2 mois au théâtre à Colmar. Et c'était vraiment... incroyable, vraiment à découvrir le duo. Ils viennent de sortir un nouvel album en 2020. Ils en avaient sorti un premier en 2014. Entre ces deux albums, elle se consacre à la composition et à l'enregistrement de son deuxième album solo, Soyo, qui sort en 2015. Mais du coup, moi, je vais plus me concentrer sur le duo avec la chanteuse de Moriarty, Bird on the Wire, et on va découvrir ensemble un titre du nouvel album qu'elles ont sorti en 2020, qui s'appelle Ramage. On écoute ensemble le morceau Sur la Place, avec notamment un clip sublime qui vient de sortir il y a 3 semaines. Donc, allez découvrir sur YouTube Bird on the Wire, et le titre, c'est Sur la Place. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi seule. Place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence, ainsi certains. Et nous nous voilons les yeux. comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes et leur destinée. C'était un super morceau de la chanteuse Rosemary Stanley, accompagnée de Dom La Nena dans le duo Birds on the Wire, à découvrir sur l'album Ramage sorti en 2020. On va enchaîner tout de suite sur une autre chanteuse du lyrique, qui est Rebecca Roger Cruz, chanteuse, musicologue vénézuélienne. Elle débute sa carrière à Caracas avant de venir s'installer en France, plus particulièrement à Lyon surtout, pour approfondir son cursus de musicologie et chant. En 2015, elle crée différents groupes pour remettre au goût du jour des chants et trances traditionnels du Venezuela et de l'Amérique du Sud en général. Les projets sont nombreux. Vous pouvez la retrouver dans Aïn, l'ensemble Trobairitz qu'elle dirige sur Lyon, qui est assez incroyable, où ils sont nombreux. Enfin oui, c'est une grosse composition. Dans Pambélé et Peranda la Cruz. Aujourd'hui, on s'intéresse à Paranda la Cruz, qui veut dire Paranda, qui veut dire la fête. Où elle a été accompagnée par la voix singulière de la chanteuse Margot de la Tour et de deux Réunionnais. Donc, Paranda la Cruz propose une musique festive qui tire ses origines dans la région de Balaranto. C'est une catastrophe aujourd'hui. On écoute ensemble Fuego Candela de Paranda la Cruz. Fuego, candela, candela, fuego. Hey, la, la, la, vamos a darlo, cumbacano, vamos a darlo, cumbacano, como quedamos los dos. La, la, fuego, candela. Donc voilà, c'était Rebecca Roger et Margot de la Tour dans le groupe Paranda la Cruz, à découvrir absolument. Donc on arrive tout de suite à ma troisième artiste, qui est plutôt un duo de femmes, de Caroline Dufaux et Lila Fraise. Elles composent toutes les deux un duo voix-percussion. Elles créent ensemble le groupe Koshwana, des voix portées par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains, accompagnées par accompagné par des chants en occitan, Elles sortent un premier album IS en 2017. On découvre ensemble le titre Côté Long, issu de l'album Puput, sorti en 2020. D'accord. Voilà, c'est fini pour moi, pour aujourd'hui. Donc, je passe la main à Camille. Merci à vous d'avoir écouté mes extraits musicaux. On se retrouve l'année prochaine, en 2021. Je passe la main à Camille pour qu'elle présente sa petite chronique sur les voix féminines. Merci. Voilà, voilà. Bah, moi, je termine donc cette émission avec trois artistes, enfin, trois groupes du moins de voix féminines. Et donc, moi, j'ai choisi trois artistes avec trois langues différentes. La première, c'est Buika, c'est Concha Buika, c'est une chanteuse espagnole d'origine équato-guinéenne. En fait, elle grandit parmi les gitans à Palma de Mallorca, dans un quartier un petit peu, entre guillemets, malfamé, dans les années 70. Et donc, elle est vite inspirée de tout ce qui est mélange flamenco, soul, jazz, funk et copla. Vous allez l'entendre, elle a une voix assez singulière, rauque, et en même temps, il y a quand même ce côté très flamenco qui est prenant. Et donc, dans sa jeunesse, elle part à Londres sans rien pour bosser un peu, et quand elle revient, elle fait la rencontre de quelqu'un qui l'emmène à Los Angeles pour chanter Tina Turner, puisqu'il trouvait qu'il lui ressemblait. Donc elle a chanté Tina Turner pendant un an comme ça à Los Angeles. Et après, quand elle est rentrée en 2000, elle a créé son premier album solo. Et de là, ben, c'est parti quoi. En 2007, enfin, en tout, elle a fait 9 albums. Et elle a collaboré avec beaucoup d'artistes différents, et donc c'est des albums où voilà, il y a vraiment les influences du flamenco et du jazz. Elle a remporté aussi un Latin Grammy Award et un disque d'or en Espagne pour son deuxième album qui s'appelait Mi Niña Lola. Et puis, qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? Et puis, bah voilà, quoi. Donc là, je vous laisse écouter une musique qui s'appelle « Jodida pero contenta ». Ça veut dire « je suis cassée, mais contente ». Et c'est une histoire d'amour, quoi. Et cette chanson, elle est enregistrée dans les Cuevas, dans le quartier gitan à Grenade, qui est un quartier où j'ai eu l'occasion d'aller, qui est vraiment magnifique. Donc tout est dans les... C'est que des maisons troglodytes. Et donc cette chanson est enregistrée avec plusieurs artistes espagnols, et donc voilà, dans les Cuevas de Grenade. Je vous laisse écouter Jodida pero contenta de Buica. sueños míos. Y todo lo que digo y pienso es mío. Todo lo que decido es mío. Y mío, mío, mío, mío. Y todo lo que hablo es mío. Voilà, donc c'était l'artiste espagnol Buica. On passe maintenant à une autre voix particulière, donc qui nous vient de Hongrie. Donc c'est Monika, alors je suis pas sûre de bien prononcer, Monika Juhart-Mitskura, qui elle est une ancienne membre du groupe Andodrome, qui est un groupe quand même très connu. Elle intègre ce groupe déjà à 17 ans. Et donc, elle fait aussi également, dans sa jeunesse, beaucoup de bandes sonores, notamment dans les films de Gadjo Dilo, Swing, Vengo, Je suis née d'une cigogne. Donc ça, c'est toute la filmographie de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Tony Gatliff. Merci, Nanou. Oh, le vieux trou de mémoire. En plus, j'adore ce réalisateur. Bref. Donc, cette femme-là, elle fait deux albums avec la composition Mitsura. Donc, c'est le groupe qu'on va écouter. Et donc... il y a deux albums qui sont faits, le premier en 2003 qui s'appelle Mitsura et le deuxième en 2008 Dura Dura Dura. Elle est invitée également sur de nombreux CD à faire des collaborations, donc par exemple avec la Fanfare Chiaocarlia ou avec Bratch aussi, qui sont des groupes très connus. Donc elle chante depuis toute petite puisqu'elle a une voix quand même très particulière puisque c'est enfin elle est rome, donc elle a justement ce timbre exceptionnel et profond. À 13 ans, elle fait sa première scène de théâtre, pardon, et elle découvre après les musiques indiennes, arabes, persanes, chinoises. Donc sur les albums là du groupe Mitsura, on voit bien toutes ces influences là. Et puis après, elle se lance dans la littérature dramatique, elle commence vraiment à chanter dans les zik trad romani, qui aussi à l'époque était pas franchement très très démocratisé en Hongrie. Et donc, elle cumule quand même à elle seule et avec ses participations 19 albums, donc avec beaucoup de groupes différents, dont deux là avec Mitsura et 13 films, donc 13 bandes sonores dans les films. Donc, je vous laisse écouter la musique qui s'appelle Duvat Kei du groupe Mitsura. Thank you. Voilà, donc c'était le titre d'Evadku du groupe Mitsura que je vous invite à écouter, c'est vraiment pas mal. Et donc le dernier que j'ai choisi, c'est Orange Blossom. Donc c'est un groupe qui est basé à Nantes. Donc c'est un mélange de zik électronique et musique arabe. Alors l'histoire de ce groupe-là, il commence en 93. Et donc il y a trois ou quatre personnes dans ce groupe, puis il y a l'arrivée de quelqu'un d'autre. En fait, c'est un groupe qui a énormément changé. Il y a beaucoup de passages, il y a eu des changements. Il y a eu trois chanteurs différents, il y a eu des percussionnistes qui sont arrivés après. Donc ça a été un petit peu le cafouillis, disons, jusque maintenant. Et donc ils ont commencé par deux cassettes autoproduites. Et puis est venu un premier album en 97 avec déjà des nouveaux musiciens, dont le percussionniste ivoirien. Et ensuite, après une tournée en Égypte, en France et en Belgique, le chanteur décide de quitter le groupe. Donc il y a une nouvelle chanteuse qui arrive à ce moment-là avec un deuxième album. Et pour ce qui est du ils font la première partie de Led Zeppelin quand même, donc ils font toute une tournée avec ce groupe-là, qui les fera un peu connaître, disons. Et ensuite, après ces tournées, la chanteuse s'en va. Et donc la nouvelle qui intègre le groupe s'appelle End Ahmed. C'est elle qu'on entendra dans la musique que j'ai choisi d'écouter. Et donc le troisième album sera édité en 2014. Donc c'est pas si vieux que ça. C'est un groupe qui a 20 ans, donc, et ils ont fait trois albums en 20 ans. Donc moi, j'ai eu l'occasion de les voir en concert, c'était aux Artefacts, non ? Non, ah non, pas Artefacts. Festival Rencontrer Racine. Rencontrer Racine, voilà. Donc c'était vraiment un beau concert, et donc c'était cette chanteuse-là, donc il y avait déjà cette formation-là. Donc je vais vous laisser écouter donc l'extrait que j'ai choisi. En fait, c'est un extrait du live FIP. Donc je sais pas exactement quel est le nom de la chanson qui est interprétée, mais voilà, je vous laisse découvrir ce morceau d'Orange Blossom. Voilà, donc ça c'était l'extrait du live FIP du groupe Orange Blossom et on a fini pour notre petit coup de cœur des voix féminines. Et voilà, donc moi je vais faire un peu une rétrospective de ce qui va se passer l'année prochaine. Ça se dit rétrospective, je sais pas, mais en tout cas, espérons qu'il se passe quelque chose l'année prochaine et que la culture redémarre et qu'on nous autorise à aller faire des événements. Si événement il y a, vous pourrez nous retrouver dès février avec concerts d'hiver, en avril avec le repas concert, en mai avec Cultivons nos passions, en juillet... On a une petite nouveauté qu'on est en train de préparer, mais qui a pas encore vu le jour, qui serait un festival art de rue musique. En août, on garderait une guinguette avec marché. En octobre, temps de pause. Et en décembre, réveillons-nous. Donc voilà, on a hâte de se retrouver en 2021. On espère que ça bouge un peu niveau Covido événementiel. Et en tout cas, s'il y a trop de restrictions, on fera rien en février, on fera peut-être rien en avril, enfin on sait pas, on reviendra quand on pourra. En tout cas, quand le roi nous laissera faire quelque chose. Bon, je vous laisse avec Camille qui fait les petits remerciements de l'année. Voilà, on va finir notre année par donc oui remercier justement tous les gens qui sont un soutien depuis le début de l'asso. Donc je commence déjà aussi par la radio Gemozo, hein, qui grâce à elle on fait cette petite émission une fois par mois. On remercie aussi Mumu qui est notre technicienne du son spécial Covid pour l'émission de radio. Enregistré voilà sur place et donc le public aussi pour ceux qui nous écoutent, merci de nous écouter, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, ça de toute façon en plus on n'a aucun moyen de le savoir donc voilà c'est un peu la surprise et sinon après on va remercier comme d'habitude tous les bénévoles, les référents qui sont là pour certains depuis le tout début de l'association, qui sont un soutien et une aide indéfectible depuis le début, sachant qu'en plus cet été on leur en a demandé vraiment beaucoup, les trois guinguettes c'était lourd, du coup voilà, je remercie tout le monde, ils se reconnaîtront, on remercie évidemment les adhérents et puis nos partenaires, la mairie de Rochesson qui nous subventionne, qui nous soutiennent avec la mise à disposition de la salle, de la place, de matériel parfois, la coopérative L'Utile aussi, et puis toutes les associations qui gravitent un petit peu autour des mondes de l'utopie et qui également nous prêtent du matériel, qui nous apportent des aides ponctuelles. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne, et puis on va finir sur une petite note à Nanou. C'est l'heure de le revoir. Oh non. Dans tous les cas, on se retrouvera au mois de janvier pour notre première émission de l'année 2021. Et du coup, on vous souhaite à tous une douce et heureuse fin d'année. Voilà, faut garder le moral quoi qu'il arrive. Qu'elle soit la plus douce et la plus heureuse possible. Si vous voulez rajouter quelque chose, les amis. Oh je pense qu'on a fait le tour, ma foi. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Ouais, au plaisir de tous se retrouver. Bisous.